c'est la fête du blé. C'est la fête du blé, c'est la fête du pain, aux chariots d'autrefois, revus après ces choses. Tout bruit, la nature et l'homme, dans un bain de lumière si blanc que les ombres sont roses. L'or des pailles s'effondre au vol siffleur des faux dont l'éclair plonge, et va luire, et se réverbère. La plaine, tout au loin couverte de travaux, change de face à chaque instant, gaie et sévère. Tout halète, tout n'est qu'effort et mouvement sous le soleil, tranquille auteur des moissons mûres, et qui travaille encore, imperturbablement, à gonfler, à sucrer, là-bas, les grappes sûres. Travaille, vieux soleil, pour le pain et le vin. Nourris l'homme du lait de la terre, et lui donne l'honnête verre où rit un peu d'oubli divin. Moissonneur, vendangeur là-bas, votre heure est bonne, car sur la fleur des pins et sur la fleur des vins, fruit de la force humaine, en tout lieu réparti, Dieu moissonne et vendange, et dispose à ses fins la chair et le sang pour le calice et l'hostie.